Lamentations chapitre 2. Aleph, comment est-il arrivé que le Seigneur a couvert de sa colère la fille de Sion tout alentour, comme d'une nuée, et qu'il a jeté des cieux en terre l'ornement d'Israël, et ne s'est point souvenu, au jour de sa colère, du marchepied de ses pieds? Bête, le Seigneur a abîmé et n'a point épargné tous les lieux agréables de Jacob, il a ruiné par sa fureur les forteresses de la fille de Juda, et l'a jeté par terre, il a profané le royaume et ses principaux. Guimel, il a retranché toute la force d'Israël par l'ardeur de sa colère, il a retiré sa dextre en arrière de devant l'ennemi, il s'est allumé dans Jacob comme un feu flamboyant, qu'il a consumé tout à l'environ. Dalet, il a tendu son arc comme un ennemi, sa dextrie a été appliquée comme celle d'un adversaire, et il a tué tout ce qui était agréable à l'œil dans le tabernacle de la fille de Sion, il a répandu sa fureur comme un feu. Le Seigneur a été comme un ennemi, il a abîmé Israël, il a abîmé tous ses palais, il a dissipé toutes ses forteresses, et il a multiplié dans la fille de Juda le deuil et l'affliction. Il a mis en pièces avec violence son domicile, comme la cabane d'un jardin, il a détruit le lieu de son assemblée, l'Éternel a fait oublier dans Sion, la fête solennelle et le sabbat, et il a rejeté, dans l'indignation de sa colère, le roi et le sacrificateur. Zayn, le Seigneur a rejeté au loin son autel, il a détruit son sanctuaire, il a livré en la main de l'ennemi les murailles de ses palais, ils ont jeté leurs cris dans la maison de l'Éternel, comme au jour des fêtes solennelles. L'Éternel s'est proposé de détruire la muraille de la fille de Sion, il y a étendu le cordeau, et il n'a point retenu sa main qu'il ne l'ait abîmée, et il a rendu désolé l'avant-mur et la muraille, ils ont été détruits tous ensemble. Ses portes sont enfoncées en terre, il a détruit et brisé ses barres, son roi et ses principaux sont parmi les nations, la loi n'est plus, même ses prophètes n'ont trouvé aucune vision de par l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, et se taisent, ils ont mis de la poudre sur leur tête, ils se sont ceints de sacs, les vierges de Jérusalem baissent leur tête vers la terre. Mes yeux sont consumés à force de larmes, mes entrailles bruissent, mon foie s'est répandu en terre, à cause de la plaie de la fille de mon peuple, parce que les petits-enfants et ceux qui tétaient, sont pâmés dans les places de la ville. Ils ont dit à leur mère, où est le froment et le vin, lorsqu'ils tombaient en faiblesse dans les places de la ville, comme un homme blessé à mort, et qu'ils rendaient l'esprit au sein de leur mère. Même, qui prendrais-je à témoin contre toi? Qui comparerais-je avec toi, fille de Jérusalem, et qui est-ce que je t'égalerai, afin que je te console, vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme une mer? Qui est celui qui te guérira? Non. Tes prophètes t'ont prévu des choses vaines et frivoles, ils n'ont point découvert ton iniquité, pour détourner ta captivité, mais ils t'ont prévu des charges vaines, et propres à te faire chasser. Tous les passants ont battu des mains sur toi, ils se sont moqués, et ils ont branlé leur tête contre la fille de Jérusalem, en disant, « Et si la ville de laquelle on disait, la parfaite en beauté, la joie de toute la terre, tous tes ennemis ont ouvert leur bouche sur toi, ils se sont moqués, ils ont grincé les dents, et ils ont dit, nous les avons abîmés, vraiment c'est ici la journée que nous attendions, nous l'avons trouvée, nous l'avons vue. L'Éternel a fait ce qu'il avait projeté, il a accompli sa parole qu'il avait ordonnée depuis longtemps, il a ruiné, et n'a point épargné, il a réjoui sur toi l'ennemi, il a fait éclater la force de tes adversaires. Leur cœur a crié au Seigneur, muraille de la fille de Sion, fais couler des larmes jour et nuit comme un torrent, ne te donne point de repos, et que la prunelle de tes yeux ne cesse point. Lève-toi et t'écris de nuit sur le commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau en la présence du Seigneur, lève tes mains vers lui, pour l'âme de tes petits-enfants, qui pâment de faim au coin de toutes les rues. Regarde, ô Éternel, et considère à qui tu as ainsi fait. Les femmes n'ont-elles pas mangé leurs fruits, les petits-enfants qu'elles émaillotaient? Le sacrificateur et le prophète, n'ont-ils pas été tués dans le sanctuaire du Seigneur? Le jeune enfant et le vieillard, ont été gisant à terre par les rues, mes vierges et mes gens d'élite sont tombés par l'épée, tu as tué au jour de ta colère, tu as massacré, tu n'as point épargné. Tu as convié, comme à un jour solennel, mes frayeurs d'alentour, et nul n'est échappé, ni demeuré de reste, au jour de la colère de l'Éternel, ceux que j'avais émaillotés et élevés, mon ennemi les a consumés.